Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Guimauzo. Et aujourd'hui, eh bien, première bulle version hebdo, nouveau générique, nouvelle fréquence, mais comme l'on ne change pas une équipe qui gagne, on reste fidèle à nous-mêmes et on se lance aujourd'hui, eh bien, dans un voyage au sein de la bulle. Douceur, chaleur et bien-être sont au rendez-vous aujourd'hui. Et avec nous, eh bien, Charlotte, accompagnée de toute une clique. Alors, bonjour à tous. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu. Hein ? Bonjour, Lia. Bonjour, Charlotte. Alors, toi, tu es présidente, eh bien, de l'association L'âme agit d'être soi qui organise, eh bien, très prochainement des journées bien-être se déroulant à Certigny. On va tout de suite aborder ce sujet plus précisément. Mais quand même, je tiens à ce que tout le monde nous dise un petit coucou. Alors, en face de moi se trouve Isabelle. Bonjour Léa. Comment ça va Isabelle? Très très bien, merci. Super. À côté de toi, eh bien, une personne qui nous est connue, reconnue. Sylvie, tu es déjà venue dans la bulle avec moi pour passer un moment très chaleureux. Oui, c'était avec plaisir. Nouvelle. Bonjour Léa, bonjour aux auditeurs. Voilà. À côté de toi se trouve Eric. Bonjour Léa, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ensuite Catherine. D'accord. Bonjour. Bonjour, en face. Angélique. D'accord. Bonjour. Bonjour à tout le monde, c'est Marc. Ah bah voilà, super, on est tous présentés, c'est parfait. Je vous remercie à tous en tout cas d'être parmi nous aujourd'hui. Je pense qu'on va passer un excellent moment tous ensemble. On va commencer par toi Charlotte, parce que comme je le disais au début de cette émission, tu es donc la présidente d'une association, alors L'âme agit d'être soi, qui organise très prochainement deux journées du bien-être, deux journées consécutives, ça sera un moment ensemble à Certigny. Alors cette association, elle existe depuis quand? Dis-nous-en un peu plus. Eh bien, nous venons de fêter notre première année d'existence. D'accord. Jeune. Et à l'origine, c'est une petite équipe de chouettes copines, on va dire, qui se sont gratté la tête pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour promouvoir nos différentes techniques de bien-être. D'accord. Parce que du coup, oui, il s'agit de différentes techniques. Il y a des choses qui nous rassemblent en tant que praticienne. Et on a voulu donc inviter encore plus de personnes à venir nous rejoindre. Donc en constituant cette association, on invite toujours d'autres personnes à se gratter la tête ensemble, à mettre au point des choses dont l'événement dont on va parler. D'accord. Qui va s'inscrire dans le long durée. Terme, on espère. Oui. Et on en a envie. Donc du coup, tout ça pour amener au plus grand nombre des facilités d'accès à toutes ces techniques de bien-être. D'accord. Et donc, quelle très très bonne idée. Alors, qui en est à l'initiative de cette idée? C'est toi? Alors, j'en suis à l'initiative. Et mais pas seulement. Angélique, qui est là depuis les débuts, en est aussi la secrétaire. D'accord. Et ça se passe bien dans l'association, Angélique? Ça se passe très très bien. Ok, super, vous êtes tous... Zénitude absolue. Eh ben voilà, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous faut. Justement, vous êtes tombés pile poil au bon endroit. Est-ce que vous faites tous partie de l'association? Non. Alors, il va falloir parler avec mots, parce que pour les auditeurs, les gestes de tête, c'est pas très, très audible. Donc non, vous ne faites pas tous partie de l'association, mais en tout cas, vous êtes réunis là au sein de ces futures journées bien-être. Voilà. Est-ce que vous vous connaissiez tous avant? Non. Non. Non. D'accord. Donc là, vous vous rencontrez spécialement pour ces journées du bien-être. Voilà. Pour cette émission de radio, déjà. Voilà, c'est une belle occasion. Ah oui. Ah d'accord, vous faites connaissance là sur place, oui, ça pour les... Ah bah dis donc, j'en ai de la chance, ça c'est génial, il n'y a pas plus spontané, ça c'est super. Alors on revient un petit peu à l'association dont tu viens de la présenter en quelques mots. Vraiment le but, la motivation, c'est donc de créer des événements autour du bien-être pour faire connaître ça au public et réunir eh bien, les praticiens, etc., si je puis m'exprimer ainsi, voilà, au sein d'un même moment, c'est ça ? C'est ça, c'est vraiment faciliter l'accès au plus grand nombre de ce que nous on peut proposer chacun dans notre petit coin. D'accord. Et le fait de provoquer cette rencontre entre, ben déjà entre nous, c'est toujours super enrichissant, mais on fait pas ça que pour nous. Oui. C'est surtout voilà permettre au plus grand nombre encore pour ceux qui se disent ben le bien-être c'est pas pour moi, il y a ceci, il y a cela, c'est trop cher. Enfin on entend. Mais oui c'est vrai. On s'aperçoit qu'il y a des tas de freins et des tas de barrières. Ça, donc c'est pour faire tomber ces barrières là, pour se rendre compte que ben, finalement on a en face de nous ben quelqu'un qui est à notre écoute, qui a des compétences et des talents et du coup voilà c'est aussi quelque chose d'intuitif. Donc le fait justement de créer cet événement-là, ça va permettre cette rencontre. On va aller plus facilement vers telle personne et ça va, c'est certainement au-delà de ce que vous pouvez percevoir dans cette émission-là. La rencontre, je veux dire, va permettre de poser des questions, de répondre à vos questionnements, peut-être de vous repositionner par rapport... Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Et puis, un sacré échange d'énergie quand même quand on rencontre quelqu'un physiquement. Ça change un petit peu la donne. Hein. On ressent des choses. Là, on est en plein dedans. Moi, je suis très sensible à tout ça. Hein, vous le savez peut-être. Alors, j'invite vraiment les auditeurs à aller vous voir parce qu'on parle d'accessibilité pour le public. Là, c'est entrée, conférence et atelier gratuite pour ces journées du bien-être. Et c'est super parce que bah, voilà, on casse un petit peu ces barrières, ces préjugés du côté financier qui pourrait, voilà. Ce n'est pas réservé à une élite, le bien-être, hein, c'est vraiment pour tous, on peut tous en profiter et grâce à vous, eh ben, ça fait plaisir. Hein. Alors merci quand même à vous. Le 25 et le 26 août, voilà, ça se passera à Certigny. Est-ce que c'est la première édition ? Tout à fait, c'est la première édition. D'accord, donc un petit peu de pression là ? C'est la dernière ligne droite, on va dire. Donc, On se détend, tout va bien. Hein, tout va bien. Est-ce que vous êtes tous du secteur des Vosges ? Oui. D'accord. Donc, ça te tenait à cœur, Charlotte, et puis avec ton équipe au sein de l'association, d'avoir des praticiens, des acteurs locaux là, qui s'investissent au sein de la journée. Tout à fait. C'est cohérent que cette rencontre, elle soit une rencontre de proximité. On n'a pas voulu aller dans les grandes agglomérations. Là, on est à Certigny. Du coup, on est dans le secteur rural. C'est justement pour faire un pas supplémentaire vers les populations qui n'ont pas encore cet accès aussi facile. Donc, les praticiens sont du secteur. C'est... Est-ce que il y a une petite appréhension sur le fait que le public n'ose pas peut-être vraiment venir au sein des journées du bien-être ou non ? On est sûr que là, les gens vont être curieux et vont avoir envie de venir pour regarder ce qui se passe. À mon sens, c'est important de faire un pas vers, parce que les magnétiseurs dans les campagnes, ils existent encore, ils ont toujours existé, et les populations, elles vont naturellement aussi vers les magnétiseurs. Oui. Donc aujourd'hui, on a deux nouvelles techniques, comme on va vous présenter aujourd'hui, qui sont complémentaires. Et du coup, oui, c'est juste qu'on ne les connaît pas. Donc notre idée, c'est de les faire connaître. Et oui, on fait connaître les gens qui pratiquent et puis aussi ce qu'ils font, hein, parce que tout n'est pas connu de tous les publics. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que vous présenterez au sein des journées du bien-être, chacun sa discipline, entre guillemets, Isabelle? Oui, bien, effectivement, je vais commencer. Donc, ma discipline, je suis praticienne en soins chamaniques et énergétiques installée à Darnay. Alors, ça m'est un petit peu tombé dessus suite à un burn-out il y a 10 ans, puisque j'étais kinésithérapeute installée en Meurthe-et-Moselle à l'époque. D'accord. Et suite à cet épisode assez douloureux, à la fois sur le plan physique et psycho-émotionnel, j'ai entamé tout un travail, à la fois personnel, spirituel, pour me poser les bonnes questions et me dire comment maintenant je peux essayer de changer les choses. Oui. Et la rencontre avec le chamanisme s'était fait déjà quelques années auparavant, très simplement, mais mes préoccupations autres ont fait que je n'ai pas abordé cette technique à l'époque comme façon de me traiter. D'accord. Donc c'est tout un cheminement. Et justement, au cours des journées bien-être, je ferai une conférence sur stress et burn-out, comment s'en sortir, comment rester en vie. Ah ben ça, c'est très important, ça, parce que ça touche beaucoup de personnes. Voilà, exactement, ça touche beaucoup de personnes. On s'en rend compte une fois, en général, que c'est effectif, que D'accord. c'est présent, donc c'est-à-dire c'est trop tard. Et souvent, c'est l'entourage qui va aider, qui va pouvoir mettre en garde la personne qui commence à décompenser, pour dire, bon, là, il faudrait peut-être relâcher un petit peu la pression. Oui. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui me tiendra à cœur de présenter aux Journées du Bien-être, cette conférence. Et je présenterai également une méditation, donc au tambour chamanique. D'accord. Pour justement inviter les personnes à se détendre oui. en utilisant donc, les tambours, qui amènent dans un état de conscience modifié, qui permet justement de se relaxer et d'aller chercher des ressources, des potentialités qui vont permettre que ce soit en burn-out ou pas, hein, il n'y a pas besoin d'attendre d'être en burn-out. Ben non. Voilà, pour pouvoir se régénérer et mettre en place une hygiène de vie au quotidien, parce qu'en fait, on a à devenir responsable et autonome de notre santé, de notre bien-être. Oui. C'est avant tout notre responsabilité et c'est pas déléguer notre santé à l'extérieur de nous. Tout à fait. Voilà, ça c'est un petit peu tout au décours de... C'est un peu le cheminement de ma réflexion et de mon expérience personnelle au cours de toutes ces années. Donc une méditation un petit peu en groupe, tu vas proposer ? Oui, tout à fait. C'est super ça. Au rythme des tambours. Ça c'est génial. Eh bien, donc, oui. j'ai hâte de voir ça. Alors bien sûr, on parlera du programme peut-être un petit peu plus précisément avec toi, Charlotte, à la suite de cette émission, hein, et puis avec les autres, hein, bien entendu. Sylvie, est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots sur ce que toi tu présenteras, même si je pense en avoir une idée ? Oui, donc je me représente un petit peu. Donc oui. Sylvie, donc je suis énergéticienne, sonothérapeute en priorité et je fais de la luminothérapie et de la méditation et de la réflexologie plantaire au bol conçu. D'accord. Donc voilà. Donc oui, je pratique au syndicat et à Remiremont bientôt. Donc là, le jour-là, je pense que je vais faire une méditation sonore aussi. D'accord. Mais un peu différente d'Isabelle. Oui. Voilà, avec les bols tibétains et d'autres instruments. D'accord. Qui permettra aussi de se détendre, de se déstresser et puis d'amener un bien-être oui. aussi à la personne, aux personnes qui seront présentes en tout cas. Ça, c'est sûr. Alors, ce qui est bien, c'est que quand je t'ai reçue, on voyait un petit peu ce trait, pas de solitude, mais en tout cas, l'exercice que tu pratiques, tu le faisais un petit peu... seul dans ton coin, entre guillemets, et là, je te vois avec tous ces gens. Parce que tout se rejoint, en fin de compte. Eh bien oui, hein, et comme ce quoi... Que soit une pratique ou une autre, c'est ça qui est important. Ça, c'est super. Les gens comprennent que tout se rejoint. Ouais. Et puis, on n'est qu'un, en fin de compte. Hein, toutes les thérapies, elles sont différentes, mais elles sont en même temps pareilles. Oui. Hein, je veux dire, c'est ça qui est important. Il faut juste trouver la personne avec qui ça accroche, voilà, la thérapie qui voilà, nous parle, c'est la tout. Méthode, le praticien. Voilà, la méthode, mais en fin de compte, toutes les thérapies ont le même but. Hein, se sentir bien. C'est le bien-être, c'est apporter quelque chose aux personnes. Mais ce n'est pas que nous. Nous, on est juste... on apporte les outils nécessaires, je pense, en tout cas. Et la personne doit se responsabiliser pour se prendre en compte et faire un travail sur elle-même. Mais maintenant, il y a beaucoup de prise de conscience. Et puis, il y a vraiment un retour aux sources oui. hein, de chacun d'entre nous où vraiment, on a besoin eh bien, de savoir un petit peu d'où on vient, pourquoi on ressent certaines choses et de traiter ou de faire attention de manière positive dans le bien-être, en parfait accord avec notre enveloppe charnelle et tout le reste. Voilà. Et puis ça, c'est important. Surtout qu'on n'est pas là pour prendre la place de médecin ou quoi pas que ce soit. Tout. C'est vraiment complémentaire et c'est super important. Mais oui, ça c'est une super ouais. idée d'amener ces journées du bien-être pour qu'enfin eh bien, chacun d'entre nous puisse un petit peu aller voir et pourquoi pas peut-être trouver quelque chose qui lui conviendrait pour aller dans le mieux, même si vous allez bien, aller aux journées du bien-être voilà, parce que forcément... découvrir notre univers, venez oui. nous découvrir tous. Et parfois on peut on avoir est tous vraiment... différents, mais tous... pareil en même temps. C'est ça. Voilà. Parfois, on peut avoir vraiment une énergie, une sensation particulière quand on rencontre quelque chose. Et je pense qu'au sein de ces journées du bien-être, eh bien, il y aura largement matière, comme on peut dire. Eric, qu'est-ce que tu vas proposer, toi, aux journées du bien-être, en quelques mots, car on reviendra vraiment de façon plus profonde après. Alors, moi, je vais rester sur ma spécialité de guérisseur-magnétiseur. D'accord. sachant que j'ai, comme tout le monde, un peu de curiosité par rapport à d'autres techniques. Donc j'ai suivi des formations Reiki, j'ai suivi des formations Access Consciousness. D'accord. Mais là, Charlotte et Angélique nous en parleront bien mieux que moi. Okay. Et le fait d'être curieux, puis de connaître et d'apprendre à découvrir toutes les techniques différentes permettent également, ça rejoint ce que dit Sylvie, de voir que finalement on travaille pour une chose, c'est le bien-être de la personne, et tout se rejoint. Oui. On arrive à trouver d'énormes similitudes, donc c'est très important, mais effectivement pour le bien-être, ça doit être accessible à tout le monde, voir les gens souffrir de nos jours, c'est complètement aberrant. Moi, ça me paraît aberrant. En plus, j'ai un métier à côté, je suis ambulancier, donc je vois les gens souffrir. Ah oui, forcément. Et ils ne sont pas encore ouverts, ils ne sont pas prêts ou ils sont encore réticents, alors qu'on n'est pas méchant, on n'a jamais mordu personne. Moi, ce que je sache sur l'équipe autour de moi aujourd'hui. Donc on est là effectivement pour leur bien-être et puis pour faire quelque chose pour les aider. C'est sûr. Voilà. Et puis à côté, je proposerai aussi une petite boutique pour vendre des bols tibétains, des pendules, des bracelets en pierre de protection, mais dit moi-même, c'est moi qui les fabrique à la D'accord. mesure et sur demande. Et donc voilà, je présenterai un peu tout ça, donc avec tout le monde en parfaite symbiose. Waouh, super. Est-ce que ton métier d'ambulancier, tu le pratiquais avant de faire du magnétisme, ou est-ce que c'est venu ensuite ? Non, disons que j'avais déjà des ressentis de magnétisme et guérisseur quand j'étais jeune. Ça se réveillait un peu à l'adolescence. D'accord. Dans la famille, il y a des gens qui pratiquaient, donc je suis allé voir un peu pour me faire éclairer. Mais j'avais mis tout en abstraction. Et le fait de reprendre le métier d'ambulancier, donc ça va faire maintenant 4 ans, j'ai remarqué que finalement, j'ai rien perdu. Quoi. Oui. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et puis j'ai remis en application, et puis je me déplace aussi à domicile chez les personnes qui n'ont absolument pas les moyens de se déplacer. D'accord. Personnes tétraplégiques, hémiplégiques et tout. Donc effectivement, ça a réveillé un peu tout, et c'est pour ça que j'ai décidé de me déclarer, de créer ma micro-entreprise par rapport à ça. Tu as très bien fait. Et j'imagine quand même que ça doit être parfois un petit peu difficile de voir tous ces gens souffrir. Et donc toi, tu as vraiment envie de donner quelque chose d'autre à tous ces gens. Tu as un petit peu dans les deux côtés, hein, entre guillemets, tu vois un petit peu le côté pile, le côté face. Là, c'est vrai que il faut quand même, à mon avis, avoir un bon mental pour pouvoir continuer à donner du bien-être. Et en tout cas, peut-être que c'est une motivation pour toi de voir les gens souffrir. Mais il ne faut pas avoir peur, en fait. Hein. Il faut transformer tout ça. Et puis, je suis sûre que tu amènes beaucoup de choses aux gens qui te croisent. Comme tout Sitchi présent autour de cette table, oui, on essaye de faire le maximum, de parfaire nos techniques, de pouvoir répondre aux questions. Et puis d'orienter aussi justement chez des collègues qui font d'autres soins, si et tel oui. ou tel soin ne correspond tout pas. Tout à fait. On est tous différents et on est tous uniques quelque part, on c'est est vrai. Tous énergie, donc peut-être que certains soins seront mieux pour certaines personnes par rapport à d'autres. Et oui. Donc c'est pour ça que ces journées-là sont intéressantes, parce que ça permet de rencontrer énormément de personnes et puis de trouver justement le soin ou la technique de soins qui peut répondre effectivement aux demandes de chaque personne. Tout à fait, tu as parfaitement résumé tout ça. Alors avant de présenter le reste de l'équipe, parce qu'on est venu en force aujourd'hui Charlotte, bien sûr de faire un large point sur ces journées du bien-être qui auront lieu le 25 et 26 août à Xertigny. Alors où ça, Xertigny, déjà dans la salle polyvalente C'est ça, tout okay. à fait, donc, c'est la salle polyvalente qui se trouve en rue Marius. D'accord. De toute façon, je pense que ça doit être parfaitement indiqué. Tout à fait, on va trouver très facilement. C'est à partir de quelle heure, ces journées ? Alors, vous pouvez venir à partir de 10h et D'accord. c'est jusqu'à 18h. Ok. Alors, on va se faire une petite bulle de son avant de continuer plus largement avec le reste de nos invités, hein, ceux qui ont eu grand plaisir, en tout cas pour le mien, de venir participer à cette émission. Oui, plus simplement, c'est sur la route d'Épinal quand on part du centre de Xertigny. D'accord. Voilà. Ok, oui, sur le côté, c'est, là, je vois. L'ai, c'est un rue Marius Becker. D'accord, un rue Marius Becker à Xertigny, le 25 et 26 août, dès 10h. On va écouter une petite musique concoctée par toi. Marc, tu as eu envie que l'on écoute Canon de Pachelbel. C'est exact. Hein, donc on va écouter ça tout de suite et on se retrouve juste après. Thank you. Nous sommes toujours ensemble dans notre émission spéciale bien-être, une émission comme je les aime, avec aujourd'hui Charlotte et ses amis. Hein. Charlotte de l'association La Magie. La bande à Charlotte. La bande à Charlotte, c'est parfait. Donc tu viens avec l'association La Magie d'être soi, en tout cas tu en es la présidente. Cette association a donc créé pour cette année la première édition des Journées du bien-être qui se déroulera donc à Certigny, vous l'avez bien compris, le 25 et 26 août dès 10h. De toute façon, on retransmettra toutes ces informations très précises en lien avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui qui sera d'ailleurs rediffusée pour les couches tard à minuit. Nous étions un petit peu dans la présentation de chacun. On s'était arrêté à Eric qui nous présentait un petit peu sa façon de voir les choses et puis son exercice dans le magnétisme. Et puis tout ce que tu présenteras, bien sûr. Tu nous parlais d'un petit stand avec des bols tibétains, des bracelets Made in Eric pour se ressourcer, retrouver son énergie peut-être. On va continuer avec ta voisine Catherine. Oui, bonjour. Alors, moi je suis praticienne en orthobionomie. D'accord. Qui est une pratique manuelle corporelle. Ok. Hein, et maître praticienne en PNL. Donc ce qui me donne les deux aspects d'approche par le corps et d'approche par le psychisme, mais qui sont... qui procèdent du même esprit et qui demandent le même état de présence, puisque c'est dans un état de présence que ce qu'on apporte aux personnes à travers ça, c'est par l'état de présence, c'est pas du tout par des connaissances, puisque c'est la personne, comme l'ont souligné certains, qui va procéder à son auto-correction, à son auto-guérison, oui. Etc. Donc j'ai ces deux aspects-là, je suis ravie maintenant d'en être là avec cette double entrée sur l'univers humain. Et j'ai un troisième aspect qui, je pense, est très particulier aussi pour moi, c'est mon côté pédagogue, puisque je suis ancienne institutrice. Ah, oui. Et je garde ce côté pédagogue, bon, qui m'a amenée, entre autres, à créer une association bien-être et conscience aussi à Matin Court. D'accord. On propose des activités, des rencontres, des formations, et qui me porte aussi à expliquer aux gens. Alors là, ça va être une façon d'aborder qui est complètement différente, puisqu'on va faire, on va aller s'adresser au mental, bien sûr, mais je pense qu'on ne peut pas outrepasser cet aspect-là de prendre en compte le mental. Et j'ai envie d'expliquer ce fonctionnement parce qu'il n'est pas si obscur que ça, ni celui du corps qu'on connaît très peu, ni celui du psychisme, parce que comme dit, je l'ai entendu il y a très peu de temps dans la bouche d'Idriss Aberkane, en ce qui concerne le cerveau par exemple, apprenez maintenant à connaître votre fonctionnement, le fonctionnement de votre cerveau, parce que ne vous inquiétez pas, d'autres le connaissent. Et l'utilise, et certainement pas dans votre intérêt. Oui. Alors, en ce qui concerne le corps, en ce qui concerne le cerveau, en ce qui concerne le mécanisme du stress, moi je suis passionnée de ces fonctionnements-là, au sujet de ces fonctionnements-là, au sujet des mémoires post-traumatiques, etc. Et bien voilà, c'est quelque chose qui est à la portée de tous. D'accord. Qui n'est pas si compliqué que ça, et c'est pas parce que c'est invisible que ça n'est pas... tangible, tout de même. Tout à fait. Et réel, quoi. Alors, voilà. ça fait combien de temps que tu pratiques ça? Alors, l'orthobionomie, ça fait plus de 20 ans. La PNL, ça fait quelques années. Et le reste, bon, je cherche en permanence, de toute façon, comme l'évoquent les autres partenaires, oui. Là. Quand on s'intéresse à ça, on s'intéresse à tout. Oui. Et tout se rejoint. Donc, on choisit une porte d'entrée, mais on est appelé à connaître tout et à apporter aux gens ce qui va leur redonner leur pouvoir. C'est surtout ça. Vous diriez que vous êtes en parfaite complémentarité, tous, avec chacun votre approche des choses. Oui. Ça, c'est chouette. Hein. Complètement. Et oui. Pour rebondir sur ce que dit Catherine, donc moi, c'est Angélique, le test que je fais avec les gens qui viennent me voir, parce qu'on parle beaucoup des émotions, de la reconnexion au corps, et je demande aux gens de situer leurs organes dans le corps. Et c'est incroyable, les gens ne savent pas placer leur foie, leur estomac, oui. Leur rate, enfin c'est incroyable, les gens sont démunis et surpris que je leur pose la question, parce que eux visiblement ne se la posent pas en fait. Hein. Et du coup c'est un petit peu compliqué si on veut se faire soigner ou connaître. Mais bien sûr, parce que le corps c'est quand même le véhicule de nos émotions, c'est par le corps qu'on sait qui on est et là sur ce quoi on doit travailler en fait. Hein. Donc c'est déjà, comme tu dis Catherine, on ne sait pas comment fonctionne notre cerveau et encore moins notre corps. C'est compliqué pour les gens de reprendre la responsabilité de leur personne. Et voilà, c'est déjà apprendre à se connaître. Hein. On revient toujours sur Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. Donc c'est déjà qui on est, comment on fonctionne, c'est la base. Tout à fait. Et c'est ce qui nous réunit aussi, puisque c'est pas la bande à Charlotte. En fait, je crois qu'on a dans le titre complet les journées du bien-être en conscience avec soi, les autres et la planète. Et oui. Et j'en oublie. Et les animaux, les autres et la planète. Bah, voilà, je pense que c'est aussi ça qui nous réunit, c'est de se dire que bah, déjà tout commence par soi. Hein, la connaissance de soi, ça va nous amener à être en meilleure relation avec soi, en meilleure relation avec les autres, les animaux. Et la planète. Eh ben oui, voilà, c'est parfait. Une parfaite symbiose entre tous. On est tous énergie, hein, que ce soit même voilà, tout ce qui nous entoure. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est important déjà de se connaître soi, comme tu dis, Angélique, avant de peut-être entamer des choses un peu plus profondes. Si on pouvait se connaître soi-même, ça serait déjà un grand pas, en tout cas dans le meilleur. Alors toi, Angélique, qu'est-ce que tu proposes ? Donc, je suis accompagnatrice en développement personnel. D'accord. Et effectivement, ma démarche, c'est d'aider les gens à se resituer dans leur vie personnelle, dans leur corps et dans leur âme et leur esprit, par des techniques, notamment des techniques énergétiques que je partage avec Charlotte et d'autres autour de la table, qui s'appellent Access Bar. Donc là, on travaille sur des points sur le cerveau qui permettent de reconnecter en fait les gens avec leur corps et de travailler sur certaines zones du cerveau qui sont un peu endormies. D'accord. Et on travaille aussi avec l'EFT, donc qui est Emotional Freedom Technique, où là, on accompagne les gens dans une démarche de libération des émotions. D'accord. J'adore ces deux techniques parce qu'elles ne sont pas intrusives. On n'a pas besoin de connaître l'histoire de la personne, on n'a pas besoin de savoir son passé, ses drames, etc. On peut déjà travailler sur elle sans qu'il y ait beaucoup de langage, parce que certaines personnes n'arrivent pas vraiment à s'exprimer, ni à dire leurs ressentis ou leurs émotions. Oui. Donc le fait de les mettre sur un fauteuil et de travailler un petit peu sur leur cerveau et de voir un peu ce qui se passe au niveau de l'énergie de la personne, de faire remonter le niveau vibratoire et déjà d'apporter de la détente et de la relaxation et de la reconnexion au corps. Déjà là, on fait un travail relativement exceptionnel par rapport au bien-être de la personne. D'accord. Ça vient d'où ces techniques ? Elles sont en majorité américaines, oui. Hein, forcément. Ça se passe souvent outre-Atlantique. Hein. D'accord. En sachant que la technique Access, quand même, est relativement intéressante, puisqu'elle est suivie par des universités américaines. D'accord. Où il y a des chercheurs en neurobiologie qui font des tests sur les gens qui ont suivi des thérapies avec Access. Et où on voit effectivement certaines zones du cerveau qui s'allument, qui étaient plus ou moins endormies. Et à force de pratiquer Access Bar, on voit qu'il y a des zones qui se réveillent tout doucement. Ok. À quel moment, toi, tu t'es plongée un peu dans ces techniques ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es rapprochée de tout ça ? Ah, je peux dire que je suis née dedans, en fait. Hein. D'accord. J'ai toujours été très, très réceptive à ce genre de techniques. Et en fait, c'est aussi grâce aux autres hein, que j'ai appris qui j'étais, puisque les gens venaient naturellement pour moi, vers moi plutôt, pour avoir des informations, pour me dire « mais toi, t'es toujours zen ». Comment tu fais ? Tu traverses ces épreuves, tu arrives à t'en sortir, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui se passe ? Et je me suis dit peut-être que j'ai quelque chose à travailler par rapport à ça et j'ai fait voilà, énormément de formations. D'accord. Est-ce que tu en as fait ton métier ou est-ce que... C'est mon deuxième métier en fait. Ouais. Hein, puisque aujourd'hui, pour vivre vraiment du soin qu'on apporte aux autres, ça reste compliqué. Et oui. Donc on a besoin d'une activité complémentaire. Mais cette activité me permet aussi de mettre en pratique certaines techniques dans le milieu ou dans les gens, avec les gens qui m'entourent, en fait. D'accord, ok. Ouais. Donc ça, c'est vraiment des techniques qui sont un peu méconnues encore en France, ou ça vient tout doucement ? Ça vient quand même. Ouais, ça commence à venir, Access. Bon, l'EFT est là depuis une bonne vingtaine d'années, quand D'accord. même. D'accord. Hein, bah, je pense que c'est bien que tu en parles, parce que peut-être que certaines personnes ne savent pas encore ce que c'est. C'est l'occasion de venir le voir, 25 voilà, et le 26. C'est tout à fait ça. Et l'EFT, juste pour finir, c'est une technique qu'on peut expliquer aux gens, et eux se l'approprient et peuvent la pratiquer dans leur quotidien. On donne un outil aux gens pour aller mieux, et on les laisse autonomes par rapport à ça. D'accord. Donc ils s'attribuent la technique, ils la pratiquent chez eux, et ils voient exactement... D'accord. Ce que ça peut leur apporter. Est-ce que ça, c'est un petit peu valable pour tout ce que vous présentez? Il y a quelque part quelque chose que vous transmettez et que chacun, chez soi, on pourra pratiquer peut-être la méditation, bien sûr. Guidée, c'est parfait. Hein, pour les débutants, une méditation guidée, déjà, ça, on peut découvrir tranquillement la méditation et y prendre goût, hein, parce qu'une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus trop s'en passer. Ensuite, ça, on peut le refaire chez soi. Le magnétisme, c'est peut-être plus compliqué. C'est plus compliqué, mais maintenant, si la personne veut effectivement s'en sortir, elle va comprendre l'état dans lequel elle doit être pour faire son lâcher prise et pouvoir se libérer. Mais on a tous du magnétisme en nous, donc à partir de là, c'est le magnétiseur va aider, va effectivement faire le maximum. La personne, de toute façon, si elle n'est pas demandeuse, n'arrivera pas à avoir des progrès. Ah ça c'est sûr. Mais après, le faire à la maison, comme de la méditation ou l'EFT, ça c'est moins facile. Oui. Là, on a plus besoin d'aide pour... Il faut travailler. Il y a du travail. Dans un premier temps, c'est bien d'être accompagné. Et je rebondis sur ce que vous disiez tous, on est des facilitateurs, on accompagne. Après, nous, on est allé vers des techniques qu'on a utilisées pour soi-même, on les a intégrées, et maintenant, aujourd'hui, on a à cœur de les partager avec les autres. Efficace, rapide, et les effets sont durables. Et voilà, surtout, ça fonctionne. C'est pour ça qu'on va les privilégier. Mais oui. Donc on emmagasine un maximum de choses et puis on se permet à la maison de pouvoir un petit peu transformer ou parfois approfondir un sujet ou bien un autre sur lequel on est plus sensible et puis peut-être que ça amènera sur d'autres routes. Tout à fait, oui. On va s'approprier un outil parce qu'on le trouve sympa, parce qu'on trouve qu'on peut l'intégrer facilement dans sa vie, il nous parle plus qu'un autre. Mais finalement, je veux dire, tous ces outils-là, ils font circuler l'énergie, donc ils vont dissoudre les blocages, qui sont comme des programmes, comme les programmes d'un ordinateur. Du coup, une fois qu'on fait sauter le blocage, c'est l'autoroute pour le changement. Mais tout est thérapeutique. On va faire de la danse, on va faire du chant, on va faire même de la marche à pied. Puis aussi, à partir du moment où on sait où on veut aller vers le mieux-être, tout peut être thérapeutique. Nous, on a des techniques qui sont hyper rapides. On voit les résultats dans l'heure, dans la soirée, dans les jours qui viennent. C'est pour magique. Ça qu'on on pourrait dire magique, oui. Mais on dit magique quand on ne sait pas expliquer. Mais aujourd'hui, on peut expliquer vraiment le fonctionnement de toutes ces techniques-là. Et puis, pas besoin d'être quelqu'un d'aguerri dans le domaine du bien-être. Eh bien, pour vous rendre visite au sein des journées du bien-être qui se dérouleront très prochainement, même si on est complètement débutant, qu'on n'a jamais entendu parler de quoi que ce soit, ou que l'on se pense peut-être pas du tout concerné ou sensible à ce sujet, je vous invite quand même à aller voir, parce que parfois on peut être vraiment surpris. Il nous reste Marc. Que fais-tu au sein des journées du bien-être? Eh bien, premièrement, j'aide Charlotte à mettre ça au point. D'accord. Donc ça se rapproche, c'est de plus en plus intense. Oui. Voilà. Alors, très humblement, je suis un petit chercheur de vérité. D'accord. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de stress et d'angoisse dans cette société. Oui. Et personnellement, dans ces deux journées, je vais amener une conférence et je vais également amener un atelier sur deux techniques. Et là, il n'y a pas d'intervenant sur ces deux techniques dont je vais parler. C'est la technique Ho'oponopono. Ah, alors ça m'intéresse. Ce serait un futur sujet. Et également le bonhomme allumette. Voilà. D'accord. Alors, ce sont deux techniques qu'on peut pratiquer individuellement, seul. Oui. Voilà. Alors, ce questionnement, il a été très simple. Moi, j'ai vécu, comme Isabelle, des gros traumas tout au long de ma vie. Hein. Bon, je suis quelqu'un qui est à la retraite maintenant. Oui. Et j'ai une vie professionnel très difficile. J'avais beaucoup de mal dans cette société. D'accord. Que je trouve anxiogène et assez inhumaine. Tout à fait. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des gros problèmes de communication entre les gens. Parce que si je dis une phrase, il y a les mots que je vais employer, ce que je voulais dire, ce que la personne va entendre et comment elle va le traduire. C'est donc, ça fait beaucoup de cascades de mots et d'incompréhension. Et donc, ces deux techniques, la première, Ho'oponopono, est une technique traditionnelle que l'on retrouve dans le Pacifique. Hein, oui. Voilà. Et ils avaient l'habitude de se réunir entre eux pour discuter de tous les problèmes de société, d'incompréhension qu'ils rencontraient eux-mêmes. Oui. Et cette technique entre les deux guerres a été reprise par une chamane qui est en même temps psychiatre, qui a une approche personnelle quoi, de cette technique. Elle en a retraduit Ho'oponopono, qui est une technique de communication intuitive avec les autres. D'accord. Et avec soi-même, avec son inconscient. Ok. Alors donc c'est relativement simple à mettre en œuvre et c'est personnel, il n'y a pas d'intervenant. Voilà. D'accord, ok. Donc je présente ça succinctement, hein, parce que sinon il faudrait que je développe et ça serait vraiment très, mais très si compliqué. Mais si on veut en savoir plus, on viendra te trouver voilà, au sein des journées voilà, du bien-être. Voilà, donc ça, Ho'oponopono sera présenté samedi à 9h. Hein, d'accord. Pour le moment c'est l'horaire qui a été défini. Et le bonhomme allumette, c'est une technique extrêmement simple pour parler à son inconscient. Hein, pour, c'est très difficile d'accéder à son inconscient, oui, et de couper les barrières émotives d'incompréhension qu'on a avec un événement, qu'on a avec une autre personne. Et c'est quelque chose que j'ai employé dernièrement. J'avais un problème relationnel avec quelqu'un qui m'est très, très proche. D'accord. Et j'étais angoissé depuis 2 jours. J'étais en complet blocage et oui, je ne m'en sortais pas. Et finalement, j'ai décidé, vu que je ne m'en sors pas, ben, je vais faire le bonhomme allumette. D'accord. Et dans les 5 minutes qui ont suivi le bonhomme allumette, je me suis senti tout de suite bien. J'étais délivré de cette angoisse et de ce blocage. Ouais. D'accord. Donc, c'est ces deux techniques que je vais présenter. Donc, le bonhomme allumette, je le présenterai dimanche à 13h. Voilà. D'accord. Alors, ça se passe comment ? Tu te dis des choses à toi-même ? Pour le bonhomme allumette, il s'agit de faire un dessin. D'accord. On regarde le problème d'angoisse qu'on avait avec la personne ou le problème relationnel qu'on a avec un événement. Et au travers d'une technique très simple de dessin et avec une paire de ciseaux, on coupe ce problème. D'accord. Voilà. Donc c'est toute une histoire encore dans le cerveau, hein, tout ça. Hein. Je pense que vous rejoignez tous. Oui. Hein, vous agissez tous sur un plan complètement différent, mais au final, eh ben, qui nous concerne, nous, les êtres, et nos âmes et notre énergie. Et ça, c'est génial. Est-ce qu'entre vous, là, vous allez assister peut-être à la conférence de celui-ci, à la méditation de Sylvie ou d'Isabelle, on ne sait pas. En tout cas, on espère. On a fait appel à beaucoup de bonnes âmes, on a beaucoup de bénévoles pour monter cet événement, évidemment, et on a vraiment organisé de telle façon à ce que la charge pour chacun soit suffisamment acceptable, légère, oui, pour pouvoir permettre de participer aux ateliers, ça, aux conférences des uns et des autres. Eh ben oui, on garde bien sûr une part de bien-être pour aussi les intervenants, bien hein, sûr. Ah, ça c'est sûr. Alors si vous le voulez bien, on va se lancer dans une deuxième bulle de son, après on retracera un petit peu le programme, si tu veux bien, Charlotte, pour eh bien, tous les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient de plus en plus curieux. Ça se passe tout de suite après I Believe d'Alex Hepburn et on se retrouve eh bien, juste après. No matter. Nous sommes toujours ensemble dans la bulle de l'IA version hebdo maintenant et je suis ravie d'entamer cette première session d'émission avec vous tous qui êtes parmi nous aujourd'hui, Charlotte et puis tous ceux qui l'ont accompagné et qui vont être présents aux journées du bien-être pour vous apporter plein de choses. Alors Charlotte, tu voulais préciser quelque chose? Oui, je voulais dire que non, on n'est pas tous là, il y a vraiment brochette ici, une toute petite brochette, parce qu'on va être vraiment très nombreux, il y a tellement de techniques, même moi qui suis dans l'énergétique depuis 30 ans, j'en découvre encore, et je suis ravie d'en découvrir finalement. Bah oui. C'est à chaque fois remettre une pièce du puzzle sur ma compréhension, ma carte du monde, et j'adore ça. Et c'est surtout ça que j'ai envie de faire découvrir aux autres. Hein. Finalement, on est énergie, tout est énergie, la matière, la chaise sur laquelle je suis assise, c'est l'énergie qui vibre à une autre fréquence, et nous, dans nos domaines bien spécifiques, puisque tous les praticiens qui seront là sont des praticiens qui sont certifiés dans leur domaine de compétences et reconnus. Travaille avec des techniques différentes, mais on fait tous la même chose. Voilà. D'accord. Donc du coup, il y aura combien d'autres personnes proposant des choses au sein des journées du bien-être? Alors là, à peu près. La liste est extrêmement longue. Je vais vous inviter à venir sur notre page Facebook La Magie d'être soi. D'accord. Ceux qui sont sur Facebook. Sinon, on a un site www.lads.pour-toi.fr. Oui. Et puis, je vais aussi laisser un numéro de téléphone pour ceux qui sont intéressés de poser des questions. Donc le 06 22 67 28 02. Et puis je vais vous citer comme ça à l'arrache quelques pratiques que vous pourrez venir découvrir parce qu'elles sont pas encore très connues, mais franchement ça mérite. Comme le Lao Chi, il y a plein de thérapies énergétiques, hein. Il y aura aussi des séances de yoga intégral, oui. du yoga sur chaise pour les seniors et les gens qui sont douloureux dans leur corps, parce qu'on peut pratiquer le yoga à tout et âge. Oui. Et puis il y aura du yoga par enfant aussi. Oui, ça c'est super. Génial. Ça c'est génial. Donc, en plus de pouvoir permettre aux enfants d'accéder à ces techniques-là. Moi, je trouve que plus on y accède jeune, mieux c'est. Et oui. Je parle de mon expérience, puisque j'ai fait cette expérience très, très jeune. D'accord. Et donc, du coup, voilà, le faire avec son parent ou ses grands-parents, ça crée aussi des liens. Tout à fait. C'est fantastique. Il y a de l'accompagnement parentalité aussi. On voit vraiment que les enfants ont leur place au sein des journées du bien-être. J'imagine que ça va être une journée un petit peu intergénérationnelle. On peut venir avec papy, mamie et les petits-enfants. Ça doit être super. Ça doit être vraiment une expérience magique à faire en famille. Mais on peut aussi venir seul ou avec son compagnon, sa compagne. Il n'y a pas de règles en fait. Hein. Et puis il y en aura pour tous parce que la liste, comme tu l'as dit, elle est très très longue. Alors je vois également des ateliers mandala. Alors ça c'est génial les ateliers mandala. Qui est-ce qui va proposer ça, tu sais? Alors l'atelier mandala, il va être organisé, mis en place par des bénévoles. Donc du coup, à tour de rôle, on va se relayer. Le mandala, c'est une technique très très simple hein, puisque oui. Finalement, ça va... par phénomène de résonance travailler sur nous juste avec le dessin qui s'organise, qu'on met en couleur puisque tout est mandala, je veux dire, oui. Notre corps, une cellule c'est un noyau et puis tout ce qui gravite autour comme le soleil et les planètes tout à fait. De notre système solaire, c'est un mandala, notre œil c'est un mandala, notre main c'est un mandala, enfin tout est... On peut aussi venir avec ces animaux parce que je vois qu'il y a de la médiation animale. Donc là, vraiment, on vient tous ensemble. Hein. pourquoi pas? Oui. Tout le monde sera bienvenu, évidemment. Donc voilà, vraiment une liste très très large de choses qui vous seront proposées en plus de vous tous qui êtes venus nous parler de vos pratiques. Donc tu l'as dit, on retrouve tout ça sur internet et sur la page Facebook La magie d'être soi. La magie d'être soi. Est-ce que tu as un petit ordre d'idée sur le programme qui va être présenté un petit peu avec certaines tranches horaires pour des moments forts par exemple? Alors, pour ce qui concerne les conférences, vous pouvez déjà venir dès 10h le samedi matin. D'accord. Vous allez découvrir par Benoît Lux des thérapies manuelles douces. Ensuite, on enchaîne avec Catherine qui va nous développer l'écoute du corps avec l'orthobionomie. D'accord. Et puis Isabelle Lejuste à 12h avec stress et burn-out. Comment... Oui, comme elle nous en a parlé. Comment rester en vie. Comment rester en vie. Et ensuite, c'est moi qui enchaîne avec la merveilleuse boîte à outils d'Access Bar. Hein, Access Bar qui est un des outils de base, on va dire, d'Access Consciousness. Si je traduis Access Consciousness, c'est l'accès à la conscience. Donc, d'accord. C'est ce qui nous amène aussi tous. Hein, c'est permettre, faciliter plus de conscience pour nous, pour les autres, dans le monde dans lequel on vit. D'accord. Donc ça, c'est aussi en partenariat avec Angélique. Vous êtes toutes les deux sur ce thème ou vraiment vous avez un petit peu votre forme individuelle? On aura un stand où on vous accueille avec d'autres praticiens. Et puis sur les conférences, on les anime ensemble ou avec d'autres. Ok, au choix. À la suite de ça, vous avez donc une conférence sur la naturopathie par Corinne. La naturopathie, retour aux sources. Eh oui. On va découvrir que finalement, c'est beaucoup de choses de bon sens qu'on a peut-être parfois un petit peu oubliées au profit de... Mais finalement, pourquoi pas faire ce retour aux sources. Est-ce qu'il y a le côté alimentation là, à ce moment-là que la naturopathie? Alors avec Corinne, ça va être génial parce qu'on va pouvoir déguster aussi puisqu'elle va nous proposer son buffet bien-être. et j'en profite justement pour dire, vous pouvez réserver vos repas. On a juste un numéro de téléphone que je peux préciser là. Ah bien sûr. Pour réserver les repas, donc prévus par Corinne, les repas bien-être. Et puis on a aussi une deuxième formule. Qui est la formule terroir avec Pounette qui nous propose des formules du terroir. D'accord. Zéro déchet, local, de saison. Voilà, parfait. Donc le numéro de téléphone, c'est le 06 43 22 79 97. Ok. Donc pour ceux qui veulent réserver le repas, ça se passe par là, c'est ça? Oui. Ok. Il est à 10 euros, donc du coup, pourquoi s'en priver? Ah ben oui, c'est de saison, c'est local, c'est bio, c'est bon pour nous. Voilà. Donc en et plus, c'est bon pour la planète. Et voilà. Et en plus, on peut rester sur place au sein de la journée du bien-être. On n'a pas de limite, on peut manger, on peut boire, tout va bien. Charlotte, je te laisse continuer. Et j'enchaîne donc à 15h avec Sylvie qui vous accueillera pour un atelier de sonothérapie. Oui. Et puis un petit peu plus tard, à 16h, vous allez découvrir le massage métamorphique. Donc ça, c'est encore une technique que vous allez apprendre et puis que vous allez pouvoir refaire chez vous, en famille, sur vos voisins. Enfin voilà, vous pouvez en user et en abuser. C'est à découvrir à 16h et ça sera avec moi. Ah, ben voilà. Parce le massage métamorphique. Parce qu'en plus, on n'a pas parlé de ce que tu proposais quand même, Charlotte. On a un petit alors peu oui, moi je suis professeure de yoga, donc ça fait 30 ans d'années que je pratique le yoga et donc c'est un univers tellement large et c'est vrai que voilà, on passe par le yoga intégral, il intègre tous les yogas, donc finalement je crois que j'aurais pas assez de toute ma vie pour tout découvrir. Pour tout découvrir. Mais c'est pas grave, je veux dire, déjà aller de découverte en découverte et avoir une boîte à outils à portée de main à chaque fois que on est confronté à des situations dans notre vie trépidante. Et il y en a beaucoup. Et aujourd'hui justement, le yoga, on se rend compte de toute sa raison d'être pour les petits et les grands. Et je travaille aussi avec des enfants et ils sont très très demandeurs. Il suffit de voir, trouver comment les approcher d'une façon ludique. Et ils en ont largement. Ah bah c'est super. Les bénéfices, eux aussi. Donc en plus, tu vas proposer des séances de yoga là, au sein des journées bien-être. Alors j'ai aussi des collègues qui seront là, des profs de yoga. Okay. Donc je vais leur laisser la place à Élodie, qui est professeure de yoga intégral. Et moi, j'interviendrai pour une spécificité, donc le yoga sur chaise et yoga par enfant. Voilà. D'accord. Donc toi, tu as eu envie d'amener le yoga en fait à tous, là, enfants et puis aux personnes qui seraient peut-être un petit peu, qui auraient besoin en tout cas de plus de confort pour le pratiquer, par exemple assis. Tout à fait. Pour pas qu'il y ait de limites et puis pour pouvoir donner cet accès à tous. C'est ça, c'est-à-dire que le yoga s'adapte à tous. Donc pourquoi s'en priver ? On peut faire le yoga si on est alité, malade, on peut aussi pratiquer, dans son lit. On peut... Ça amène quoi de particulier de faire du yoga ? Ça amène une connexion avec soi-même, la détente, parce que pour les gens, le yoga, il y a deux façons. Hein. C'est un petit peu mélangé avec de la méditation. Et une autre façon de voir le yoga, c'est le truc très physique où on fait axe de souplesse totale. Et toi, qu'est-ce que tu proposes comme sorte de yoga ? Alors, c'est vrai qu'il faudra qu'on fasse une émission toute entière. Ah oui. Et peut-être une émission à rallonge pendant des années pour parler de tout ce qu'amène le yoga. C'est vrai que souvent, je rencontre des clichés. Oui. Chez les enfants, ils s'imaginent souvent, ils ont l'image de on est assis en lotus, on a la posture d'un mudra et ça les arrête. Parce qu'ils se disent, mais moi je suis pas capable de faire ça. Donc du coup, là, quand ils viennent, qu'ils voient les tapis, qu'ils s'amusent avec ce que je peux leur proposer, ils ont une autre approche, une autre vision. Et voilà, donc ça c'est important de dire que finalement. C'est bien, bien plus que ça. Mais effectivement, la méditation, c'est un état d'être. On a plein de techniques de méditation. Donc du coup, c'est bien de pas s'arrêter à la première barrière qu'on peut avoir en se disant « c'est pas pour moi, je vais pas pouvoir rester assis comme ça ». Non, il y a plein de techniques de méditation et on va trouver la nôtre. Mais déjà de se dire « tiens, qu'est-ce qui me conviendrait à moi ?» Ouais. Se poser la question, plutôt que de se dire c'est pas pour moi, c'est de se poser la question. Encore une fois, on en revient aux raisons d'être des journées du bien-être. Eh ben, tout à fait, j'allais dire, tu as lancé une perche magnifique parce que c'est pas parce qu'un jour vous avez peut-être été voir quelqu'un ou avez essayé quelque chose qui ne vous a pas convenu que d'autres choses ne sont pas là pour vous, que vous rencontrerez peut-être quelque chose qui vous éveillera ou qui carrément vous sublimera et vous transportera. Vous trouverez plein de choses au sein de ces journées du bien-être qui auront lieu, je le répète encore, le 25 et le 26 août à Certigny, là exactement où Charlotte nous l'a indiqué tout à l'heure. Nous retransmettrons toute cette adresse avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui. Avant de finir cette émission, de faire un dernier point, on va se lancer dans notre troisième bulle de son, mais on ne s'arrête pas là, on fait un dernier point tout de suite après. On écoute My Soul High par Anna Leon. C'est parti. My soul, I am broken by you. One morning I'll wake up renewed. Don't go, love, I need you to stay. Yeah. Nous nous retrouvons, nous sommes toujours dans la bulle aujourd'hui avec Charlotte, Angélique, Marc, Isabelle, Sylvie, Eric, Catherine, qui sont tous venus nous parler aujourd'hui eh bien, des journées du bien-être, là où vous pourrez les retrouver d'ici très peu de temps avec plein d'autres personnes et plein d'autres techniques à découvrir. Alors Charlotte, tu voulais reprendre la parole, je te laisse le libre choix de tout ce que tu as envie de nous dire maintenant. Oui, encore une fois, voilà, c'est deux jours pour découvrir ce large éventail hein, des arts et métiers du bien-être. Oui. Ce sont toutes des techniques d'épanouissement personnel, d'art-thérapie humaine et animale, complémentaires, oui. Respectueuses de l'environnement, ça il faut le dire. D'accord. Ce que je voulais juste rajouter, c'est que c'est vraiment une invitation au repositionnement, au voyage intérieur. Toutes nos techniques sont des techniques qui vont nous faire explorer notre dimension intérieure, puisque nous sommes des êtres, on va dire, multidimensionnels. Et la dimension qu'on connaît en général, c'est la dimension extérieure. De nous, on est tout le temps sollicité, appelé à s'exploser, à s'éclater à l'extérieur. Et finalement, notre monde intérieur, on le méconnaît. Et parfois même, de mon expérience, je vois qu'il y a des personnes qui ont même peur de fermer les yeux à certains moments, parce que des fois, qu'ils rencontreraient le monstre de leur inconscient à l'intérieur, là. Et bien, finalement, non, sachez bien qu'il n'y a pas de monstre à l'intérieur. C'est juste que, voilà, expérimentez par vous-même que c'est doux, c'est bon, c'est orgasmique, n'ayons pas peur des mots, hein, de fermer les yeux et d'aller découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parfois, on peut avoir peur, peut-être, de justement ce qu'il y a à l'intérieur de nous, parce qu'on ne se connaît pas et parce qu'on s'imagine des choses que l'on ressent et qu'on ne peut pas exprimer d'une façon... en tout cas, compréhensible peut-être, et certaines techniques sont là pour eh bien justement un petit peu dédramatiser, apprendre à se connaître, se recentrer, s'accepter aussi, et là peut-être qu'en fermant les yeux, tout ira pour le mieux. Ça commence par là. Mais oui, ça commence par là. Et je jette la pierre à personne, je veux dire, c'est parce qu'on n'a pas appris tout ça. Je veux dire, on nous en a pas forcément parlé, ou alors on est né dedans, comme certains ici, parce qu'on avait déjà des parents qui ont marché sur la terre avant nous et qui ont dû utiliser ces techniques-là pour aller mieux. Et pour bon nombre d'ici, ici présents, on a eu recours très tôt à ces techniques-là pour pouvoir vivre dans ce monde, tout simplement. Et on les a intégrées et on se rend bien compte à quel point c'est important d'avoir ces outils détoutillés aujourd'hui. Et c'est pour ça que je partage, qu'on a envie de partager avec le plus grand nombre et aussi pour les générations futures en direction des enfants. Le partage d'expérience, ça c'est très très important. Il n'est jamais trop tard aussi, je veux dire. Hein. C'est pour ça que je travaille aussi avec les seniors, parce que c'est douloureux de voir des gens souffrir et de voir que certaines personnes qui n'ont pas travaillé sur elles, elles se trouvent confrontées vraiment à une masse de choses, des expériences, mais qu'on difficiles. A des techniques vraiment super simples, efficaces, rapides et des techniques modernes, on va dire, qui sont issues d'une lignée qui remonte à... Et oui, c'est quand même des techniques qui à la nuit sont des ancestrales. Temps, on va dire, ça s'inscrit dans des lignées. Et du coup, voilà, ces outils sont à la disposition de tout un chacun. Et c'est fantastique de s'ouvrir à ça. C'est juste d'être curieux et de se dire, mais oui, pourquoi pas moi. Et puis aussi, on prend un petit peu son chemin de vie en main. On se réapproprie notre propre bien-être sans en laisser un petit peu la guérison ou en tout cas l'attitude que l'on a à d'autres. On se réapproprie tout ça parce que c'est à nous nous sommes créateurs en fait de notre propre vie et à chacun son chemin, et par le bien-être beaucoup de chemins peuvent s'ouvrir à nous, et se réapproprier nos vies c'est pour le plus grand bonheur de tous, ça croyez-moi. Marc, tu voulais nous dire quelque chose. Oui, je voulais rajouter tout simplement, c'est que ce sont deux jours qui seront présentés dans la simplicité, dans l'accessibilité. Et je voulais souligner quelque chose, c'est que on a droit au bonheur. Et on est dans une société qui, dans beaucoup de ses aspects, nous le refuse. En fait, on a le devoir du bonheur pour nous-mêmes. Et puis, quand on a accès au bonheur par nous-mêmes, pour nous-mêmes, on le distribue. Donc, si on veut créer une société plus juste, meilleur, eh bien, on se doit d'être heureux. Voilà, tout simplement. C'est très joli. Très, très beau, très juste. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose d'autre ? Vas-y. Donc, je rebondis sur ce que dit Marc. Effectivement, les gens qui aujourd'hui se donnent l'autorisation d'accéder à certaines techniques pour aller mieux vont forcément avoir un impact énorme sur leur entourage. Et quelqu'un qui aujourd'hui travaille sur lui travaille également sur sa famille, sur ses enfants, sur ses amis. Tout le bonheur qu'on dégage, tout le bien-être qu'on dégage, rayonne sur les autres. Donc c'est pas, on n'est pas égoïste en travaillant sur soi. Il faut arrêter de se dire, c'est pas du tout la vérité. C'est moi, si j'ai entrepris cette démarche aujourd'hui, c'est aussi pour libérer mes enfants d'un poids familial, d'un poids généalogique, etc. Et tout ce que je fais sur moi pour me nettoyer aujourd'hui, c'est ce que mes enfants n'auront pas dans leur sac à dos. Eh oui, tout à fait. Ça ne sera pas retransmis, oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'on voit la partie dimanche, Charlotte, avec toi ? Absolument, on peut parler aussi des ateliers qui vous seront proposés. Là, j'ai le planning de dimanche. Donc, dès 9h, avec Kamada, vous allez pouvoir découvrir ce qu'est le rebirth. D'accord. C'est aussi une technique qui va nous permettre d'aller déblayer du lourd. D'accord. Tout simplement, avec cet accompagnement d'un spécialiste de la respiration consciente et profonde. D'accord. À la suite de ça, à 10h, donc on aura ma petite intervention avec le yoga sur chaise. Oui. Elodie prendra la suite à 11h pour vous présenter le yoga de la lune et du soleil. D'accord. Ensuite, on a la pause repas. À 13h, on reprend avec Marc et son bonhomme allumette. Le bonhomme allumette de Jacques Martel, en fait, qui vous sera expliqué dans l'atelier de Marc. Eh oui. À la suite de ça, encore un atelier, de groupe, sur la biokinésie, qui est proposé par Corinne, qui est naturopathe. Et puis, on enchaîne avec le Qigong à 15h avec Benoît Lux. À la suite de ça, ça sera l'instant T avec Hélène de Parenté Boutique qui nous propose... Oh bah que l'on salue, qu'on salue. Hélène. Et qui nous proposera donc la cérémonie du thé. Ah bah parfait. Là, on va être au top. Hein. Et puis, on pourra finir nos belles rencontres avec une méditation au tambour chamanique par Isabelle qui était là avec nous et qui vient de nous quitter pour des raisons personnelles. Voilà, qui nous a quittés pendant la pause, mais que l'on a fortement salué et que l'on remercie encore beaucoup d'être passé par ici pour nous parler de ce qu'elle nous proposera. Voilà un petit aperçu, donc... C'est parfait, c'est plus qu'un aperçu, on a vraiment... en tout cas, moi, pour ma part, j'ai vraiment hâte que ces journées-là arrivent pour découvrir des choses que je connais déjà, sûrement sous une forme différente, et puis d'autres choses que je ne connais pas, et je pense que pour nos auditeurs, en tout cas, j'espère pour eux que ce sera la même chose, qu'ils auront vraiment envie de se faire du bien, parce que ces journées bien-être, c'est aussi là pour se faire du bien à soi. Et comme tu l'as dit, Angélique, inutile de culpabiliser car vous prenez soin de vous, c'est le premier pas pour prendre soin des autres, donc aucun problème avec tout ça. Je suis ravie que vous soyez tous venus, en tout cas dans la bulle, pour nous parler de ce que vous faites, et puis nous transmettre votre belle énergie, et puis surtout on salue votre investissement pour cette première édition des Journées du Bien-être le 25 et 26 août à Certigny. Est-ce qu'il y a encore un petit mot à nous dire avant de terminer ? Vas-y Eric. Oui, je vois qu'il y a un auditeur qui reste à côté de sa radio là, puis qui dit ça marche pas, j'y crois pas. Alors, le fait qu'il y croit pas, c'est une chose, mais par contre, ça marche. Ok, ça c'est... Et puis c'est peut-être aussi, auditeur, parce que tu n'as pas trouvé la technique qui te correspond, ne baisse pas les bras et ça viendra à toi sans problème. Vas-y. On peut rajouter, il faut arrêter de croire, il faut savoir, donc pour savoir, il faut essayer. Eh bien, tout à fait, ça c'est parfait. Oui, et on peut ajouter, il y a que chacun, puis, chacun sait pour lui. Oui. Nous, c'est on n'apporte pas ça, vrai. On n'apporte pas de savoir à la place des gens. C'est Je vrai. Pense que c'est une belle définition de de ce qui nous rassemble. Vous prenez conscience de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, n'ayez pas peur de vos émotions et tout ce qui se passe. C'est un tout, on ne peut pas guérir le corps sans guérir l'âme. Hein. C'est vrai. Et on s'inscrit vraiment comme des facilitateurs de changement, on est vraiment là pour faciliter, accompagner. Oui. Ouais. pas de magicien, entre guillemets, même si ce terme peut être employé de façon thérapeutique, mais en tout cas, simplement des gens qui sont là pour vous aider à aller mieux, qui partagent leur expérience avec vous, et puis qui transmettent tout simplement ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont vécu à un moment donné dans leur vie, ce qu'ils ont traversé, et puis pour le plus grand bien-être de tous. Oui, c'est cela, voilà. Pour un futur qui inspire, vraiment. Charlotte, je te laisserai soin de me redonner tous les coordonnées de ton site internet. Et puis si on veut aller sur ta page Facebook, on peut le faire tout de suite. Ça se passe sur quelle page Facebook déjà ? C'est la magie d'être soi. Voilà, sur la page Facebook de son association, c'est vrai. Donc voilà, vous pourrez retrouver eh bien, tout ce qui est proposé, le programme, etc. etc. Nous n'omettrons pas de remettre toutes ces informations précieuses en lien avec le podcast de cette émission qui sera présente sur notre site, internet et sur notre page Facebook. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette émission sera retransmise pour les couches tard à minuit. Donc, plus aucune excuse pour prendre soin de soi. Angélique, Marc, Charlotte, Isabelle, même si tu n'es plus là, Sylvie, Eric et Catherine, je vous remercie tous d'être passés par ici. Merci aussi, un grand merci, Lia. C'est moi qui vous remercie. Et puis voilà, n'oubliez pas ces journées bien-être. Et puis, je vous souhaite un très, très bon moment à tous et avec tous les gens qui partageront ce moment avec vous. Merci. Prends soin de toi. Merci beaucoup à tous les auditeurs. Eh bien, la suite des programmes continue sur Radio Guémozo. Mais en attendant la semaine prochaine, eh bien, n'oubliez pas, hein, c'est bonheur, joie et rire à tous. Underground. Get neck. Get neck. Get neck. Get neck. Get neck. Get neck.